Monsieur Alain Soral, vous êtes le sociologue français, président d'Égalité et Réconciliation. Je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Soral, les rebelles sont entrés à Tripoli, mais l'incertitude reste toujours l'incertitude politique, économique et sociale reste toujours en Libye. On assiste, autrement dit, à une incertitude politique dans ce pays. Kadhafi est introuvable. Kadhafi dit être prêt à négocier avec les rebelles. Et d'autre part, on parle par exemple des discussions et des négociations au sujet de la période post-Kadhafi, du pétrole de ce pays, etc., etc. Quelle analyse faites-vous sur cette situation la situation qui prévaut actuellement dans ce pays africain? Déjà, le terme rebelle est un terme très très louche, hein, comme c'est un terme d'ailleurs qui renvoie comment dirais-je, à la phraséologie libertaire. En fait, c'est pas une victoire des rebelles, c'est une victoire de la coalition, on va dire impérialiste occidentale, qui a effectivement chassé du pouvoir comment dirais-je, un représentant légitime de l'autorité pour son insoumission au nouvel ordre mondial. Et là, j'insiste d'ailleurs, c'est pas sur la question du pétrole, c'est sur la question effectivement du dinar or, c'est-à-dire de la monnaie. Et c'est une insoumission en fait à la dictature bancaire mondiale de Wall Street. Et c'est ça qui a causé sa perte. Et les rebelles sont un faux nez et comment dirais-je, un masque pour les médias occidentaux. En réalité, il a été vaincu difficilement par une coalition de soldats professionnels, de mercenaires, y compris au sol, sans compter les appuis des aviations, etc. Il a été vaincu par une opération néocoloniale de la plus grande tradition, impliquant des militaires français, anglais, sans doute israéliens, américains, etc. Ce qui veut dire que Kadhafi, effectivement, est relativement vaincu militairement dans son pays, malgré le soutien d'une grande partie de sa population, ce qui veut dire que pour que cette victoire, comment dirais-je, du CNT soit pérenne, il faut que soit maintenue en Libye une présence militaire extérieure forte, car si Kadhafi a réussi à se regrouper et à organiser une résistance, ce sera exactement comme la Deuxième Guerre mondiale en France avec la résistance gaulliste et l'occupation allemande. C'est-à-dire que pour que cette victoire des rebelles, entre guillemets, se pérennise, il faudra maintenir une occupation militaire étrangère dans le pays. Si jamais ces militaires étrangers s'en vont et laissent en réalité les rebelles libyens livrés à eux-mêmes, Kadhafi reprendra le pouvoir en 15 jours, exactement comme on sait que les Serbes reprendraient le Kosovo en 15 jours, si la KFOR et le même empire, qui d'ailleurs se sert des mêmes pour déstabiliser, se retiraient aussi, par exemple, de l'ex-Yougoslavie. Vous voyez, c'est ça l'analyse qu'il faut avoir. Monsieur Soral, vous venez de parler du rôle du Wall Street et également vous parlez du dinar or, s'agissant de cette intervention militaire lancée contre la Libye. Vous parlez également du fait que c'était une victoire, si je vous ai bien compris, c'était une victoire plutôt des forces spéciales des pays de la coalition et également des Israéliens. Pourriez-vous vous développer, s'il vous plaît, sur ce sujet? Eh bien, on sait que Kadhafi voulait proposer, pour échapper à la dictature impériale américaine, qui est une coalition en fait de l'armée américaine, c'est-à-dire de la violence anglo-saxonne, et comment dirais-je, de la logique bancaire d'essence juive. On sait que c'est l'empire et la coalition, l'association de ces deux forces, hein, la violence anglo-saxonne et l'usure vétérotestamentaire. On sait que Kadhafi, en tant que leader, on va dire non aligné, essayait à parachever une œuvre qu'il a tentée toute sa vie, une œuvre qui est au-delà de la Libye, essayait de proposer à l'Afrique une monnaie qui fait référence à l'or et non pas une monnaie purement abstraite, qui est une escroquerie, qui est le dollar. Il essayait donc de mettre en place pour tout le continent africain le dinar or, et que c'est ça qui a causé sa perte accélérée. et cette violence déployée contre lui et cette coalition effectivement impériale militaire, la question du pétrole n'aurait pas été suffisante car il avait déjà négocié avec les compagnies américaines de longue date. Donc voilà, je pense que ce qui a causé sa perte accélérée par une agression extérieure d'une violence extrême et qui est une agression impériale, c'est son insoumission au nouvel ordre mondial qui est d'abord un ordre monétaire et bancaire, et c'est la même cause qui avait valu la chute de Saddam Hussein quand il avait voulu proposer à l'OPEP effectivement le paiement des énergies pour les États en euros plutôt qu'en dollars. Je pense qu'aujourd'hui, les armées impériales, aujourd'hui, par une violence accrue, défendent simplement l'hégémonie, on va dire, mondialiste de Wall Street, qui est fondée sur une escroquerie bancaire qui rejoint la vieille tradition de l'usure telle qu'elle est dénoncée dans le catholicisme et dans l'islam. Voilà. Et j'ai une dernière question, mais ce Soral, quand même, ils vont pas en fait de laisser intact le pétrole libyen. Ah non, non, mais le pétrole libyen est la cerise sur le gâteau, je veux dire, évidemment, j'ai des informations comme quoi les Français, le gouvernement français et l'armée française, pour être remerciés de leur action à l'intérieur de la coalition, vont avoir un pourcentage important dans les contrats pétroliers que la CNT a déjà abandonné aux puissances occidentales, c'est-à-dire que Kadhafi avait fait toute sa légitimité populaire et toute la puissance de l'État libyen sur l'indépendance du pétrole libyen, puisqu'il avait nationalisé le pétrole libyen, et c'est comme ça qu'on voit qu'un leader est un leader indépendant, exactement comme Chavez l'a fait au Venezuela. Et là, le gouvernement transitoire libyen vient déjà de céder les concessions pétrolières qui appartenaient donc à l'État libyen, vient déjà de les concéder à des sociétés pétrolières étrangères, bien sûr occidentales, et je crois notamment à des sociétés françaises, à concurrence de 35%, qui correspond exactement au pourcentage de l'engagement de militaires français sur le terrain. Donc la CNT n'existe pas, il n'y a pas de libération, il n'y a pas de peuple soulevé, il y a simplement, en s'appuyant sur des trahisons locales, des rivalités tribales et avec beaucoup d'argent et beaucoup de mensonges, hein, une guerre coloniale qui ne dit pas son nom, dans le but de chasser un leader africain, car Kadhafi est un leader africain encore plus que maghrébin, le chasser du pouvoir. Et voilà, on est plutôt dans une tradition néocoloniale, Kadhafi ressemblant plus à Abdelkader, vous voyez, qu'à Pol Pot, hein, voilà.